Dossier 5, temps fort. Leçon 3, vie privée, vie publique. Activités 5 et 6. Clémence, s'il te plaît, tu me prépares une petite biographie de Marion Cotillard. C'est pour l'article. Tu peux noter ? D'accord, je t'écoute. Alors, elle est née le 30 septembre 1975 à Paris. Pendant son enfance, elle a joué dans de nombreuses pièces de théâtre avec sa mère. 30 septembre 75, ok. Dis donc, sa carrière a commencé tôt ? Oui. Et pendant son adolescence, elle a hésité entre la chanson et la comédie. Finalement, elle a choisi d'être actrice. Elle a fait ses débuts au cinéma en 1996. Ok, début au cinéma en 96, à 21 ans donc ? Oui. Et à l'âge de 23 ans, elle a commencé à être connue grâce à son rôle dans le film Taxi. Oui, ok. En 2004, le film Big Fish de Tim Burton a été le point de départ de sa carrière internationale. Oui. Ensuite, elle a continué à tourner en France et aux États-Unis. Je fais une petite recherche sur les films ? Oui, les plus importants. En 2007, elle a joué le rôle de sa vie, Edith Piaf, dans le film La Môme. Tu te rappelles ? L'année suivante, elle a obtenu l'Oscar et le César de la meilleure actrice pour ce rôle. Et là, elle est devenue célèbre dans le monde entier. D'accord. En 2010, son film avec Guillaume Canet, Les Petits Mouchoirs, a été un succès. Les Petits Mouchoirs, oui. Ok, c'est parti.